Studec Web. Studec Web, il est 15h. Aujourd'hui dans Coup de Boost, nous allons parler du nouveau carburateur à induction électromagnétique. Ça va être super. Ah ouais, mais non, c'est pas ça la émission. Oupsie. Allez, faut se lever, c'est l'heure du coup de boost. Le deuxième réveil de la journée. De 14h à 15h sur Studec Web. Ah bah tu vois, c'était pas si compliqué. Et oui, vous êtes bien dans le coup de boost, on est ensemble pour cette première de la saison. Notre mission, vous détendre et vous faire kiffer pendant une heure jusqu'à 15h. J'ai bien dit notre mission, car je ne suis pas seul pour ce deuxième réveil de la journée. Il est là, il vient de se réveiller, il est au top pour démarrer. Salut Robin. Salut Azem, salut Jérémy, salut tout le monde. Pas trop dur hein, ce deuxième réveil de la journée qui en fait pour toi est quasi le premier. J'en étais sûr. Non, ça va. Il aime le sport mais déteste préparer les émissions, il est là Azem, salut. Salut Jérémy, salut à tous. Alors tout est prêt aujourd'hui, on est chaud, non, on est prêt. Tout est prêt aujourd'hui, on est paré. Parfait. Dans quelques instants, le dose du jour. Tu sais qui est-ce qui m'a téléphoné hier? C'est pas vrai. C'est Jean-Louis. C'est pas vrai. Oh le fofolle. Catherine Jablasi. Moi, un certain âge, bon ça va. Belle plante blonde. Ah ouais, mais c'est trop bien quoi. Le dose du jour sur Studec Web. Et aujourd'hui, on s'intéresse à une saga, et oui, un univers que vous avez peut-être reconnu avec la petite musique qui tourne derrière, l'univers Harry Potter. Est-ce que Harry Potter est devenu mythique? Dans quelques jours, le 14 novembre, sortira au cinéma Les Crimes de Grindelwald, deuxième volet, donc des animaux fantastiques, une saga adaptée du livre du même nom de J.K. Rowling, dont l'histoire se base dans l'univers d'Harry Potter. Et avant de parler de cet univers Harry Potter, Robin, Azem, est-ce que vous êtes fan tout d'abord d'Harry Potter? Ah oui. Est-ce qu'on peut vous considérer comme des fans? Mais oui, toi, oui. Totalement, les questions se posent même pas. Harry Potter, Hermione, Ron, mais moi je suis totalement fan. De ouf même. Et tu l'as découvert comment toi Harry Potter? Harry Potter, bah je crois que c'est même ma mère. Ou non, ma mère en fait a lu les livres, après c'est elle qui m'a conseillé de les lire quand j'ai vu le nombre de pages, j'ai l'aime. Et après je les ai regardés en film et je pense que c'est de là qu'est partie ma passion entre guillemets pour Harry Potter, ouais. Et toi Azem? Franchement moi je n'ai aucune idée. Je me rappelle que voilà, j'ai connu comme ça mon frère et l'ami ou mes parents, je sais plus. Et t'étais plutôt film, plutôt livre? Non, plus film. Alors plus Harry Potter. Harry Potter en chiffres, donc c'est 7 livres et 8 films parce que le dernier livre, Les Reliques de la Mort, a été séparé en deux parties. Et 10 films même maintenant en comptant les deux volets des Animaux Fantastiques, mais c'est également une forte communauté de fans qui viennent en nombre à visiter les studios de tournage par exemple à Londres ou bien au séance marathon. Les 8 films ont été diffusés cet été. En marathon, le marathon Harry Potter. Vous êtes fan ou non d'Harry Potter et vous venez nous donner votre avis sur la saga et nous dire pourquoi l'univers Harry Potter est-il selon vous devenu mythique ou non. Envoyez votre nom, prénom et numéro de téléphone en message privé sur la page Facebook de Studec Web et vous pourrez venir nous en parler à l'antenne aux alentours de 14h20. Dans quelques instants, la météo et votre post-it, les anniversaires de personnalités et les événements à ne pas manquer en ce lundi 5 novembre, juste après Dinoro et Gigi D'Agostino In My Mind sur Studec Web. Bon début d'après-midi. We'll be right back. Studec Web, on est ensemble jusqu'à 15h dans le coup de boost. Dans quelques minutes, le dose du jour. Et oui, vous avez peut-être reconnu cette musique un peu stressante qui nous plonge dans l'univers du sorcier le plus connu du monde, Harry Potter, hein, dont le dernier film est sorti il y a 7 ans et qui continue tout de même à faire fasciner plusieurs générations. Êtes-vous fan de la saga et est-ce que selon vous, Harry Potter est devenu un monument artistique? Vous venez nous donner vos avis en nous envoyant vos noms, prénoms et numéros de téléphone en message privé sur la page Facebook de Studec Web. On en parle ensemble aux alentours de 14h20, 14h06, la météo Azem. Aujourd'hui, le temps sera plutôt ensoleillé avec un léger voile nuageux sur l'ensemble du territoire, sauf dans le côté sud-ouest où nous retrouverons des risques d'averses. Les températures sont relativement bonnes pour la saison, avec 12 à 17 degrés sur la partie nord-est, de 13 à 18 degrés du côté nord-ouest, et dans le côté sud-sud-est de 15 à 19 degrés avec des risques d'averses sur l'Ardèche. Du côté sud-ouest de 13 à 14 degrés toujours, avec des risques d'averses sur la frontière espagnole. Les températures sont de 18 à Marseille, 17 à Paris, 17 à Lyon, 16 à Grenoble, 14 à Lille, 12 à Strasbourg. Bon après-midi sur Studec Web. Oh mince, j'ai encore oublié la mort de Louis XVI. Ah, mais je t'avais dit de noter. Le post-it sur Studec Web. Les événements ou autres anniversaires à ne pas manquer, on vous fait une petite note pour ne rien oublier. C'est votre mémento de la journée où on démarre avec un acteur et réalisateur Azem. Aujourd'hui, l'acteur et réalisateur Tariq Boudali fête ses 38 ans. Il a notamment fait le film « Épousons mon pote ». Il écrit actuellement un nouveau film qui s'est confié à Paris Match en teasant un peu le film. En fait, c'est l'histoire d'un homme très pauvre qui a entre guillemets une vie de merde. Il apprend qu'il est atteint d'une maladie orpheline incurable. Ses jours sont comptés. Il décide alors de demander de l'argent au caïd de la cité qui lui répond « Tu as intérêt à me rembourser dans quelques jours, sinon tu es un homme mort. » Après quelques escapades, il apprend que c'est une erreur, qu'il n'est pas malade. Une bonne nouvelle qui ne durera que quelques minutes. Dans ce film-là, il sera toujours accompagné de la bande à Fifi. En tout cas, j'ai vraiment hâte que ce film sorte. Un bon anniversaire aujourd'hui à Bryan Adams, l'interprète d'Everything I Do. Bryan Adams qui fête aujourd'hui ses 59 ans. Un très bon anniversaire à lui. L'ancien joueur de l'équipe de foot de France, Jean-Pierre Papin, fête ses 45 ans. Aujourd'hui, il s'occupe toujours de son association Neuf de Cœur qui aide des familles avec des enfants handicapés. En tout cas, force à lui et bon anniversaire. Et aujourd'hui aussi, 5 novembre 2018, journée mondiale des parents au bureau. Et oui, parce qu'un parent sur deux ne comprend pas ou ne sait pas en quoi consiste le métier de son enfant. Avec la nouvelle génération, les métiers dans les médias, internet, etc., ça explose. Et en fait, les anciennes générations sont un peu paumées pour le coup. Donc cette journée permet, si l'entreprise l'accepte bien sûr, de faire venir ses parents au bureau pour qu'ils comprennent un peu mieux en quoi consiste le métier de leur enfant. Je trouve que c'est un concept totalement ouf, c'est trop bien. Aujourd'hui, nous fêtons la Saint-Sylvie, alors bonne fête à toutes les Sylvies qui nous écoutent et bonne fête à Sylvie Vartan. Elle a annoncé mardi dernier qu'elle allait sortir un album de reprise de Johnny Hallyday confectionné à Los Angeles. La sortie est prévue pour le 30 novembre prochain avec pas moins de 14 reprises de la légende française. Et le dicton du jour, le 5, tu sauras quel mois tu auras. Et ben on peut dire qu'il fait plutôt beau aujourd'hui, donc on espère que ça va perdurer sur tout le mois de novembre. Dans quelques instants, on va se battre pour tenter de savoir qui a l'info la plus inutile. Et oui, on a passé toute notre journée à trouver des infos, mais pas n'importe quelle info, pas d'infos politiques, non, pas d'infos sociétales non plus, des infos inutiles. Et des infos inutiles un peu cracra, parce qu'en cherchant, en faisant des recherches, on a trouvé qu'il y avait beaucoup d'infos peu dégueu. Dégueu, mais soft. Par exemple, savez-vous ce que signifie l'excérébration? Alors, pas du tout. J'ai on parle idée. Là dans l'Égypte ancienne. Hein. J'ai une idée, mais non. Je suis pas sûr. Voilà. Je dis rien. Ne la donne pas, voilà. On la donnera. Bon, c'est rien de bien méchant. La réponse, juste après Close to Me, le nouveau son d'Ellie Goulding, c'est pour vous. Et c'est uniquement sur Studec Web. Bon après-midi à tous. Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party, cause we both hate everybody, we're the ones they wanna be like. So don't. Come to too close for comfort. I had to cut my bitch off, she being stubborn. I make it known I fuck with you, not undercover. And when I jump in, I'm burning rubber. Iced out body, didn't go to college. Price tag popping, then you on the private. Don't say sorry, everyone's watching. When you're where I am, everything's timeless. And I don't wanna be. Le nouveau son d'Ellie Goulding avec Diplo et Swelly, 3 ans après son dernier album Delirium, elle est de retour et ça fait du bien sur Studekweb. Ta dose de kiff, c'est avec l'équipe du coup de boost sur Studekweb. Vous êtes bien dans le coup de boost sur Studekweb, on est ensemble là jusqu'à 15h avec Robin, yes, et Azem. Ça passe bien? Ça passe très bien. Parfait. Comme chaque jour, on travaille hein, comme des malades pour vous trouver des infos, mais pas n'importe quelles infos, pas les infos que toutes les autres radios peuvent vous donner. Non, nous on va chercher des infos dont tout inutiles. Le monde se fout. Des infos inutiles. Totalement. Ouais. Et on s'était dit aujourd'hui pourquoi pas se faire une spéciale un peu cracra parce qu'on a trouvé beaucoup d'infos cracra en préparant l'émission. Donc on s'était dit allez on va y aller, on va se faire une petite battle hein, de celui qui a l'info la plus on s'en fout. Et venez nous dire d'ailleurs sur les réseaux sociaux qui a l'info la plus inutile avec le hashtag coup de boost. On démarre avec Salvador Dali. Yes, alors c'est pas très cracra. Et sa moustache. Je commence vraiment soft. En fait Salvador Dali avait pour habitude de coiffer sa moustache avec du miel. Bon, c'est un peu le truc cracra du truc. En fait j'ai trouvé ça tellement ouf le reste de l'info. Je vais quand même la dire, en fait c'est d'ailleurs pour ça que sa fameuse moustache a fait la une en Espagne. Salvador Dali a beau être décédé en 1989, un médecin légiste en fait de base chargé de récupérer de l'ADN sur le corps de l'artiste pour savoir si oui ou non il était le père de Pilar Abel, une femme de 61 ans en Espagne, a eu la surprise de constater pardon, que sa moustache n'avait pas bougé depuis maintenant 28 ans. Est-ce que c'est le miel ou est-ce que c'est pas le miel? J'en sais rien. Elle est restée intacte, totalement intacte. Elle n'a pas bougé. Non. Ouais, c'est un peu cracra quand même. Bah on commence soft, hein, ça va. Ouais, on commence. Parce que ce qui arrive après, c'est chaud. Oui, je vous avais parlé d'une excérébration. Alors, est-ce que, Azem, t'avais une petite idée tout à l'heure de ce que pourrait être l'excérébration? C'est pas un truc où on enlève l'intestin, tout ça, non? Ah, non, c'est moins gore que ça, mais on n'en est pas loin. Oh, d'accord. Dieu. On remonte dans l'Égypte antique, hein, on remonte au temps des pharaons, au temps des pyramides. Okay. Une idée, Robin? Franchement. Comment tu dis? Excérébration. Cérébration, bah il y a cérébral, donc c'est un problème avec le crâne, la tête, je pense. Après, franchement, aucune idée. Vous enlèvez les yeux, la langue, je crois, les dents. Non, on enlève quelque chose, c'est ça. On est dans l'enlevage en tout cas. On enlève un truc. Moi, je mets sur les yeux. On enlève quelque chose et vous avez bien compris, c'est bien dans le corps. Ah d'accord. Les yeux, les yeux. Ouais. Eh non, oui. Vas-y, donne ton idée. C'est peut-être le cerveau. Eh c'est ça, voilà. Le cerveau, bah bravo Azem. Tu ne gagnes rien, mais au moins t'as gagné. L'info la plus inutile, tu l'as trouvée. Mais c'est. Eh oui, c'est la première étape de la momification au temps des pharaons. Donc ça consistait à extraire le cerveau, mais alors, attendez, d'une manière assez hard. C'est ça que je me donne. On l'enlève par le nez. On sortait le cerveau par le nez à l'aide de crochets. Alors voilà, le cerveau c'est quand même assez volumineux, ça arrivait à sortir par le nez. Mais comment ils font? Enfin, combien d'heures ils restaient à... Ah, ça mettait des jours, ça mettait 70 jours la momification. Demande pas trop de détails, s'il te plaît. Non, mais c'est chaud, le nez c'est tout petit. Et bah, je vais vous donner les autres étapes hein, de la momification, ça va être très très très sympa aussi. Donc après l'excérébration, bah, c'était l'éviscération. Donc on enlevait les viscères, tout ce qui est intestin, foie, voilà. Ensuite, on le faisait sécher le corps au soleil, on appliquait plusieurs huiles végétales et animales. Et pour finir, on bandelait le corps avant de le mettre à reposer dans le sarcophage. Voilà. On vous avait promis des infos cracra, on n'avait pas menti. Hein. Bah moi, ça va, j'ai commencé soft comparé à toi. Moi, je suis allé fort. Je rentre dedans en direct. Moi, c'est pareil aussi. Est-ce que vous connaissez, c'est quoi l'asticothérapie? Pas du tout. Asticothérapie, c'est un rapport avec les insectes. Exactement. Bah, les asticots. C'est ça. Allez, bah, voilà. Qu'est-ce en que fait, l'asticothérapie ça consiste à placer des larves de mouches vertes dans une plaie afin de la soigner. Qu'est-ce qu'un soigne ? Je sais pas. Des larves qui soignent une plaie. J'ai pas réussi. Enfin, ils disent que voilà, la bave qui ressort ou je sais pas quoi, bah ça guérit. C'est comme un effet anesthésiant ou je sais pas comment. Mon Dieu. C'est vraiment bizarre. Avec des asticots. Oui, connaissais la sangsue qui suçait le sang, qui permettait de mauvais sang. D'aseptiser un peu le corps. Mais ça, je connaissais pas. Mais moi, j'étais étonné en trouvant. D'accord. C'est grave. Bon, direction la Charente-Maritime pour cette autre info. Est-ce que vous connaissez un vaisseau de pierre très connu au large de l'île d'Oléron, l'île de Ré? Ah, le Fort Boyard. Le Fort Boyard, et oui, le très connu Fort Boyard qui était abandonné avant le lancement du jeu télé dans les années 90. Mm-hmm. Pour lancer ce jeu, ils ont été obligés de vider le fort qui était rempli de saleté. Soit 700 mètres cubes de saleté ont dû être retirés. Et oui, ça a pris des mois et des mois avant de pouvoir démarrer les tournages de Fort Boyard. Ils ont dû trouver des trucs de ouf. Enfin, je comprends pas. Ils ont retiré 700 mètres cubes. Et oui, 700 mètres cubes de saleté. Moi, j'ai l'impression que quand je regarde la télé, le truc, il est toujours aussi crade. En fait, je vois pas où c'est. Ouais. Bah, imagine-toi. On dirait, mais avant c'est de la saleté. Ouais, c'est des décors. C'est des décors. C'est des décors, oui. Bah, moi, j'en ai une aussi. Alors, en fait, l'être humain produit 350 litres de transpiration par an. Pour que vous visualisez un peu mieux, ça fait l'équivalent de deux baignoires de transpiration par an. C'est crade. C'est cadeau. Bon, bah voilà. Venez nous dire qui, selon vous, a l'info la plus inutile sur les réseaux sociaux de StudecWeb avec le hashtag Coup de Boost. Et une alerte vient de tomber, une alerte Mediazem. Oui, c'est ça. En fait, on va parler de la série Walking Dead. En fait, l'acteur principal, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Andre Lincoln, en fait, il a décidé de partir, de finir la série. C'est hier soir en Amérique, la chaîne américaine AMC a diffusé le cinquième épisode de la saison 9 de Walking Dead. La série portée par Andre Lincoln, elle était désormais connue que l'acteur allait partir. Mais ils ont fait un peu durer suspense pendant quelques semaines. Et voilà, hier c'est tombé que c'était son dernier épisode, qui n'en fera plus aucun. Et voilà, pour tous les fans de Walking Dead, désolé pour vous. Mais l'acteur phare de Walking Dead, toute la série, c'est une grosse info, ça quand même, Robin. Toi, tu regardes. Alors, justement, j'allais venir, enfin, je voulais pas relever parce que je regarde pas du tout Walking Dead, donc ça me fait pas trop. Non, franchement, moi, j'ai regardé, mais pas toutes les saisons. J'ai commencé un peu au début, après, j'ai vite lâché. On sait bien, mais j'ai lâché. Bon, en fin d'émission, vous venez tenter de jouer au jeu du booster pour tenter de gagner, un pack StudecWeb avec une carte dédicacée par toute l'équipe. La règle du booster, elle est simple. Vous pouvez nous poser, il suffit de trouver un mot en rapport avec un thème. Maison, poisson, hélicoptère, ver de terre, pain, biscotte. C'est chelou un petit peu. C'est le booster. Sur StudecWeb. Et la règle du booster, elle est simple. Il suffit de trouver un mot en rapport avec un thème, le thème du jour, Harry Potter. Et oui, pour vous aider à trouver ce mot, vous pourrez poser autant de questions que vous le souhaitez. Vous pourrez nous poser autant de questions que vous le souhaitez. Questions auxquelles on ne pourra répondre que par oui ou par non. Mais attention, vous n'aurez qu'une minute pour retrouver ce mot du jour. Et à chaque mauvaise réponse, on donnera un coup de boost au chronomètre et le temps s'accélérera. Vaut mieux donc être sûr de vos propositions. Pour participer, envoyez-nous vos noms, prénoms et numéros de téléphone en message privé sur la page Facebook de StudecWeb. Et si vous êtes sélectionné, on vous rappellera aux alentours de 15h pour jouer ensemble au coup de boost. Bonne chance. Dans quelques instants, l'info du vrai faux, à vous de démêler ce qui est vrai de ce qui est faux. Le dose du jour, est-ce que Harry Potter est devenu un monument artistique? Et on vous prend à l'antenne pour venir nous donner votre avis en envoyant vos noms, prénoms et numéros de téléphone en message privé sur la page Facebook de StudecWeb. Et la musique avec le son du duo toulousain Flo et Oli. Celle-là c'est pour nos pères, nos padres, ceux qui disent je t'aime sans même parler. Pour ceux qu'on regrette, ceux qui sont pas passés. Mais si t'es papa, tu sais que t'es pas parfait. Celle-là c'est pour nos pères, nos padres, ceux qui disent je t'aime sans même parler. Tout ça c'est dans quelques instants, à tout de suite sur StudecWeb, bon après-midi. Alors, test. Salut, c'est Fanny Agostini sur StudecWeb. Bonjour, c'est Laurent Fontaine, écoutez StudecWeb. Studec. La web radio des nouveaux talents. Salut, c'est Vincent Vinel sur StudecWeb. Bonjour, Jean-Claude Camus, je suis sur StudecWeb. Salut, c'est Pascal Gigot, comme vous, j'écoute StudecWeb. Ah, pas tout le temps non plus, hein. Mais de temps en temps, on aime bien. Bonjour, je suis Benoît Arschlossberg, le directeur du conservatoire d'ici Moulineaux. Et vous êtes sur StudecWeb. Tous vos artistes préférés sont sur StudecWeb. Merci à vous. Merci. À très vite sur StudecWeb. Ta dose de kiff, c'est avec l'équipe du coup de boost sur StudecWeb. Ya sé que soy viejo, nunca te olvidaré. Cuando miro al espejo, son mis hijos que veo, me acuerdo del mío, y cuando se fue,

Vas-y. Wingardium Leviosa. Oh, bravo! Miss Granger a réussi, splendide! Et ben voilà, Ron et Hermione dans le premier cours de lévitation. Trop bien. Harry Potter à l'école des sorciers. On peut voir, il y en a qui sont plus ou moins doués. Hein. Hermione qui est assez douée et Ron qui, bon, il essaye, ouais, mais qui galère un peu au début. Il galère un peu. Bah, on a justement quelqu'un au téléphone qui est fan d'Harry Potter, Brandon, 25 ans de Cambrai. Salut! Salut l'équipe! Salut Brandon! Alors, tu fais quoi dans la vie? Bah écoute, je suis vendeur dans une boulangerie-pâtisserie. Oh là là, cool. Très très bon métier. Tu nous ramènes des chouquettes? Avec on commence à avoir un peu faim. Vas-y, viens au studio quand tu veux. On a un peu. Ouais, un fraisier, allez, on prend tout. Bah, justement, toi, tu es fan d'Harry Potter. Carrément. Alors, comment t'as découvert la série, la saga? Qu'est-ce qui te plaît? Bah, alors, je t'avoue, moi, j'ai découvert un peu comme tout le monde. Genre, j'étais tout petit quand c'est sorti. J'ai découvert, je pense, à l'âge de mes 5 ans. Ouais. Tu sais, t'avais déjà, genre, les baguettes magiques à jouer club ou, genre, enfin, tu vois, les jouets d'Harry Potter. Et du coup, après, j'ai regardé les films. Et en fait, on va dire que j'ai découvert Harry Potter, on va dire les jouets avant les films, en fait. Les jouets avant les films. Et ouais. T'as lu les livres aussi? J'ai lu un livre. Je t'avoue que les livres, c'est pas trop ce qui m'intéresse chez Harry Potter. C'est vraiment les films et les fictions. Mais ouais. Voilà. Alors, le tout dernier film, il est sorti en 2011. Donc, ouais. Il y a 7 ans, mais on surfe encore sur le phénomène. En 2015, il y a eu l'exposition Harry Potter en France, à Saint-Denis, avec plus de 500 000 visiteurs. Et il y a également possibilité d'aller visiter les studios à Londres. Est-ce que tu es allé à Londres pour visiter les studios Harry Potter? J'ai pas eu l'occasion d'aller à Londres, mais par contre, il y a mon grand frère qui l'a fait et il m'a dit que c'était incroyable la différence en fait entre les vrais studios et le film en fait. Oui, c'est des décors. Ouais, c'est des décors. C'est, en fait, tu vois la salle de Poudlard, enfin la salle, je sais plus comment ça s'appelle, la salle principale, mais en fait, elle est toute petite. La salle bah ouais. Donc, ouais, même le château, avec même le château, c'est un plafond maquette, lumineux. Hein. Oui, ouais, c'est une maquette. Genre, ça dépasse pas une table, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment petit, hein, vraiment très petit. Et ces derniers mois, donc, il y a plusieurs cinémas qui ont proposé des marathons Harry Potter. Donc, tous les films diffusés en deux jours. Donc, les 4 premiers films le premier jour. Les 4 derniers films, le deuxième jour, est-ce que t'es allé faire, toi, le marathon Harry Potter? J'ai fait le premier parce que pour moi, le 1, le 2 et le 4 sont vraiment dans le. Pour moi, c'est vraiment mes 3 préférés. Après, j'aime bien aussi la suite, mais voilà, genre, je t'avoue que le 5, le 6, j'ai un peu décroché. Ouais. Mais c'est sur la base. Mais voilà. Il y a plusieurs histoires aussi inédites qui sont sorties cette année, notamment la trilogie Les Animaux Fantastiques. Ouais. Le premier épisode en juillet 2016, et là, dans quelques jours maintenant, mercredi prochain, sortira Les Crimes de Grindelwald, donc le deuxième volet des Animaux Fantastiques qui suit en fait l'univers d'Harry Potter. Est-ce que tu vas aller voir, toi, Les Animaux Fantastiques? Alors, je t'avoue que moi, je reste fidèle à la série, je n'irai pas les voir. J'ai pas vu Les Animaux Fantastiques non plus. Et pour toi, donc, pourquoi Harry Potter est devenu vraiment mythique et intemporel? Et passe les générations. Parce que ça a touché vraiment une génération et c'était vraiment genre c'était le film d'animation à voir, tu vois. Mais c'est un truc de ton enfance, tu m'as dit. Ouais, c'est ça. T'as connu très jeune, du coup voilà. C'est ça. Ça a marqué mon enfance et je pense que c'est le cas de vraiment beaucoup de gens de mon âge en fait. Eh ben merci beaucoup, merci d'avoir participé, Brandon. Bonne journée à toi. Merci à vous, l'équipe. Bonne journée. Et surtout, si tu comptes aller voir, même si tu n'es pas fan, si tu comptes aller voir Les Crimes de Grindelwald. Dis-nous tes impressions sur les réseaux sociaux de StudioQueb avec le hashtag CoupDeBoost. Hein? Merci Brandon, salut. Salut. Salut Brandon. En fin d'émission, on joue ensemble au Booster, le jeu où l'on trouve un mot en rapport avec un thème. Le thème du jour, vous l'aurez compris aujourd'hui, c'est on est dans le monde d'Harry Potter, hein, un mot en rapport avec cet univers. Pour vous aider à trouver le mot, vous pourrez nous donner toutes les questions que vous souhaitez auxquelles nous pourrons répondre que par oui ou par non. Dans quelques instants, le son de 3 cafés gourmands et l'info du vrai faux. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du coup de boost sur StudioQueb. On est ensemble jusqu'à 15h. Bon après-midi à tous. À tout de suite. Ah oui. De 14h à 15h, de 15h à 16h, vous retrouverez Mona, Robin et Antonin pour Studec Borderline. Au programme, le sondage du jour, 81% des Français souhaiteraient vivre à la campagne. Le jeu des poupées russes où vous pourrez tenter de gagner un pack Studec Web. Bah, c'est de 14h, de 15h à 16h, Studec Borderline. Allez, faut se lever, c'est l'heure du coup de boost. Le deuxième réveil de la journée. De 14h à 15h sur StudioQueb. Ah bah tu vois, c'était pas si compliqué. On est ensemble de 14h à 15h pour le coup de boost. Et oui, l'émission qui vous fait du bien, le deuxième réveil de la journée. On vous fait plaisir, hein, et tout de suite, on va passer aux infos du vrai, du faux. À vous de démêler ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est l'info du vrai, du faux. Est-ce que tu déconnes ? Ah ouais, mais non, c'est pas ça les infos. L'info du vrai faux, c'est sur StudecWeb. 195, c'est le nombre d'appels qu'un habitant d'Annecy a fait en 24 heures à l'Elysée. D'ailleurs, il porte plainte pour harcèlement. Je pense qu'il voulait demander à Macron dans quelle rue trouver du travail. Ouais, je pense. La route du Rhum a commencé hier. Renault, à peine remis sur pied, a couru pour se rendre à l'événement, bien sûr, pour prendre des photos. Tiens, c'est drôle, on n'a pas vu au 24 heures du Mans. En Éthiopie, plus de 120 clous d'environ 10 cm, extraits d'un estomac d'un patient. D'après les médecins, il souffre d'une maladie mentale depuis plus de 10 ans et il a arrêté de prendre ses médicaments il y a un an. On peut dire qu'il est un peu marteau du coup, non? Dans la nuit du 31 octobre, un jeune homme de 20 ans, assez influent sur les réseaux sociaux, a lancé un projet de faire une purge en France, c'est-à-dire que tout vol, dégradation et violence sont autorisés pendant quelques heures. Il a pris l'idée du film La Purge. Le phénomène a pris un impact énorme et a rassemblé des centaines de jeunes âgés entre 14 et 25 ans un peu partout en France. Vu l'impact de la tranche d'âge et en plus du monde qui a participé, on peut lui proposer un truc, un projet qui s'appelle L'École. Genre le concept, c'est simple, il faut juste se rendre à l'école, bien travailler et être judicieux. Enfin, il faut être studieux, ouais. Studieux, excuse-moi. C'était vraiment très intéressant. À Lille, un homme met un coup de taser à sa femme et pour se justifier, il dit que le courant ne passe pas entre eux. Ah, je pense que là, il y a une tension entre eux, même un coup de tension électrique, je dirais même. Cristiano Ronaldo a détrôné Selena Gomez sur Instagram et passe personnalité numéro 1 la plus suivie des réseaux sociaux, avec plus de 145 millions de followers. En fait, de base, c'est pas un footballeur, pourquoi il... Voilà, c'est pas un influenceur Instagrammeur, manque plus que la chaîne Makeup, carrément. La Cristiano Makeup Pro. Dans quelques instants, le sujet libre de Robin aujourd'hui, il nous emmène sur les sujets, sur les jobs étudiants des stars. Tout à fait. On est tous passés par là, les stars également. Juste après, 3 cafés gourmands à nous souvenir sur StudecoM. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublie qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oubliez ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson, vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne, si vos pas ne résonnent jamais dans ma région. C'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir, pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un vernis Chabrol, un petit goût de gnôle, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre, plus sur les monétières. C'est pire qu'un testament, au-delà d'une confidence. On est les petits enfants de ce joli coin de France. La relève est pour toi, notre petit Lucas. On te laisse en héritage la piste, nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. Acceptez ma rengaine, elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi sert nous à boire. On a les yeux qui brillent. Papa, suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, sers-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Vous êtes bien sur Studek Web jusqu'à 15h, c'est le coup de boost. Serveur chez McDo, caissier chez Carrefour, babysitter, les petits jobs que l'on a tous fait hein, pour payer nos études. Les stars aussi sont passés par là, Robin. Et oui, on y est tous passés, les jobs étudiants pour payer le loyer ou juste pour avoir un peu d'argent de poche. Bref, vous voyez très bien de quoi je parle. Et avant oui. d'être des stars mondialement connues comme Brad Pitt, Beyoncé, Kanye West et j'en passe, eux aussi ont bossé avant d'atteindre la gloire qu'ils ont aujourd'hui. Alors comme d'hab, Azem, Jérémy, je vais vous faire jouer avec moi. Vous pouvez jouer aussi avec nous, avec le hashtag coup de boost bien sûr. Allez. Pour chaque personnalité, je vais vous donner 3 jobs qu'ils auraient pu faire étant étudiants. Et dans ces 3 jobs, il n'y a qu'une bonne réponse. À vous de deviner laquelle est la bonne. Je vais tout gagner. C'est bon, pas. Vous m'avez suivi ou pas, vous avez compris? Ah, j'ai suivi. Il y aura 3 infos. Donc okay, du coup, on commence avec Brad Pitt. Avant d'être Monsieur Smith dans Mr. et Mrs. Smith avec Angelina Jolie, Brad Pitt aurait été vendeur de téléphone, déguisé en poulet devant une rôtisserie ou serveur sur un bar de plage. Moi, j'ai bien envie de voir Brad Pitt déguisé en poulet. Je pense que ça peut être pas mal. Hein. Moi, je pense serveur. Déguisé en poulet. Serveur sur la plage. Serveur? Ouais, je pense, ouais. Eh ben non. Je vois mal être déguisé. Ah non? C'est non, pas du tout. Mais ah. vas-y. Non, parce que moi, je vois mal déguisé. Enfin, Brad Pitt. Eh ben justement, eh ben, c'est celle-ci. Eh ben, Brad Pitt était bien déguisé en poulet devant une rôtisserie. Est-ce qu'on a des photos juste de ce moment-là? Ah non, j'ai pas trouvé de photos. Et je pense pas qu'ils veulent que ça circule sur le net. Cardi B, avant de sortir Bodak Yellow, qui l'a fait grimper au sommet du classement iTunes. Cardi B était serveuse en boîte de nuit, vendeuse dans le cosmétique ou hôtesse de caisse en supermarché. Moi, je pense le dernier, hôtesse. Pareil, je la vois bien chez Carrefour, ouais. C'est nos articles, tu vois. Eh ben, vous avez totalement raison. Elle était bien hôtesse de caisse en supermarché. Ça va. Bah, ça nous fait un point commun. Là, il y a eu deux. Ça me fait un point commun avec Cardi. Ça fait deux, ouais. On passe à Beyoncé. Avant de devenir une légende de la pop avec Crazy in Love et tous ses autres tubes, Beyoncé était balayeuse de cheveux dans un coiffeur, boulangère ou vendeuse dans le prêt-à-porter. Balayeuse chez un coiffeur, je pense. La une, moi aussi la une. La une, ouais. Bah, vous avez tous les doigts. C'est fou, vous avez regardé mes réponses ou quoi? Franchement, non. j'ai jeté un petit. Non. Allez, Jérémy. Elle était bien, balayeuse de cheveux dans un coiffeur. C'est quand même fou. Chez un coiffeur plutôt. Chez un coiffeur. Dans un coiffeur, ça aurait été compliqué. C'est autre chose, c'est pas pareil. Et enfin, Kanye West. Avant d'enchaîner les hits et d'être le mari de la célèbre Kim Kardashian, Kanye West était employé chez Subway, vendeur dans le prêt-à-porter ou livreur de pizza. On veut chez Subway. Il travaillait chez Subway. Vendeur. Chez Subway. Prêt-à-porter. Prêt-à-porter. C'est ça. Eh ben non, il était vendeur dans le prêt-à-porter. Donc du coup, voilà, morale de cette histoire, comme mon père dit, le travail finit toujours par payer. Par payer. C'est ça. Venez nous dire les jobs étudiants que vous avez fait ou que vous faites actuellement avec le hashtag coup de boost. Toutes les musiques sont sur Studek Web. Focus dans les bacs sur Studek Web. Chaque jour dans le coup de boost, on a une rubrique musicale et le lundi, on se focus sur les bacs. Quel artiste et quels titres sont les plus écoutés en ce moment, Robin? Eh ben, je vais vous dire tout ça dans Focus dans les bacs. On commence le focus dans les bacs avec un artiste que j'adore. D'ailleurs, je suis allé le voir en concert. Justin Bieber, en featuring avec DJ Khaled. 172 millions d'écoutes en streaming depuis septembre avec No Brainer. Je trouve que c'est un artiste qui ne fait que se renouveler autant dans sa musique que dans son style. C'est pour ça qu'on l'aime. Ciara qui avait cartonné avec Body Party sorti en 2013. Si vous vous souvenez plus, pardon, c'était ça. Après 5 ans, on n'entendait plus trop parler d'elle. Elle est revenue en force dans les charts avec Level Up. Elle a complètement changé de registre, mais c'est ça aussi un artiste. Elle sait s'adapter à tous les genres, et pour le coup, c'est vrai que Level Up, ça bouge quand même un peu plus que Body Party. On connaît tous depuis peu dans le rap français Aya Nakamura. Elle avait déjà fait ses preuves avec Comportement, premier single qui l'a fait décoller, mais ce qui l'a vraiment fait connaître aux yeux du grand public, c'est Oh Dja Dja. Je kiffe. Y'a pas moyen, Dja Dja. J'suis pas ta gata, Dja Dja. Son album est disponible partout en streaming. Son nouvel album inclut aussi des titres qu'on connaît déjà, comme celui-ci. Son nouvel album inclut, comme je viens de dire, aussi des titres qu'on connaît déjà, comme Copine. Copine sur Studek Web, Daya Nakamura. Aya Nakamura sur Studek Web, c'est déjà un tube comme Dja. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de femme dans le milieu du rap français. Franchement, ça fait du bien. Bon, forcément, j'ai pas le temps de faire tous les artistes et tous les titres qui sont déjà dans les bacs et qui sont déjà dans le classement iTunes, mais j'ai pris ceux que j'aimais le plus et ceux que j'écoute dans mes écouteurs. Demain, dans la rubrique musicale, je vous parlerai de mon coup de cœur, je dirais même mon crush de la semaine. J'espère que ça deviendra le vôtre aussi, même si dans le fond, je sais que votre seul crush, c'est moi. Et merci Robin, en fin d'émission, vous pourrez tenter de gagner un pack Studek OM en venant jouer au booster. Le principe du jeu, il est simple, il vous suffira de trouver un mot en rapport avec notre thème du jour, Harry Potter. Vous aurez une minute pour tenter de trouver ce mot, mais attention, en cas d'erreur, on donnera un coup de boost au chronomètre et vous perdrez 5 secondes à chaque mauvaise réponse. Pour vous aider à trouver le mot, vous pourrez nous poser autant de questions que vous le souhaitez, auxquelles on ne pourra répondre que par oui ou par non. Pour participer, envoyez-nous vos noms, prénoms et numéros de téléphone par message privé sur la page Facebook de Studek Web. Dans quelques instants, la boîte noire Studek Web, que vous venez nous poser les questions existentielles que vous vous posez, puis on essaiera d'y répondre comme on peut. On écoutera également le groupe Imagine Dragons. A tout de suite sur Studek Web, c'est le coup de boost. On se retrouve à 16h pour l'heure média avec Robin et Adrien. Au programme, toute l'actualité média décryptée pour vous. Le débat média, on répondra à vos questions existentielles. Et puis on ne vous oublie pas, avec des cadeaux à gagner, avec le c'est qui c'est quoi, notamment le pack Studek Web. Alors rendez-vous tout à l'heure à 16h sur Studek Web. Studek Web. 14h, 15h, c'est le coup de boost sur Studek Web. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Trees shadowing, what's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past. Knowing we are the youth, caught until it bleeds out of world without the peace. Face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay. Bientôt le booster, hein, plus que quelques minutes pour venir jouer. Bonjour StudecWeb, vendredi j'ai mon premier rendez-vous Tinder et je suis grave stressée. Est-ce que vous pouvez me donner des conseils pour être naturelle s'il vous plaît? En tout cas, merci, je vous kiffe. Bonjour, je m'appelle Bernadette, j'ai 74 ans. On m'a dit beaucoup bien de votre radio, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à trouver votre fréquence sur le poste FM. Ouais, je trouve pas moi. Bah, bon, attends, je suis en train de laisser un message, ouais. Je demande. Est-ce que vous pourriez m'aider à me donner quelle est la fréquence, s'il vous plaît? Merci. Salut le coup de boost, j'adore vous écouter tous les après-midi, ça me donne un coup de boost jusqu'où justement. Mais je voulais savoir, est-ce qu'un jour vous ferez une émission en public? J'aimerais beaucoup beaucoup participer, ça me ferait vachement plaisir de vous voir. Je vous kiffe trop, ciao. Salut le coup de boost, c'est Kevin, j'ai 13 ans et demain j'ai une éval d'anglais. Sauf que j'ai pas bossé, est-ce que vous pourriez m'aider, me donner un petit conseil pour tricher sans être vu? Merci les gars. Toutes les questions que vous vous posez, vous pouvez nous les dire sur le répondeur StudioQuem, dans la boîte noire, dans le répondeur. On diffuse vos messages chaque jour en fin d'émission. Et justement, on va retourner voir Anaëlle qui a un rendez-vous Tinder vendredi. Elle se pose beaucoup de questions, elle essaye d'être naturelle, elle ne sait pas comment faire. Anaëlle est dentiste, elle a 27 ans. Salut Anaëlle. Salut l'équipe. Salut. Alors raconte-nous, c'est quoi ton histoire? Quel est le contexte? Alors, dis-nous moi, tout. En fait, je suis dentiste, hein, et ouais. Aucun rapport du coup avec ce que je vais raconter. je me suis inscrite sur Tinder il y a 3 mois. Ouais, Et là, ça fait 3 semaines que je parle avec quelqu'un. Mm-hmm. Et du coup, on doit se rencontrer vendredi. Mais bon, j'ai jamais rencontré personne de Tinder, donc je me pose un peu des questions sur comment être naturel, comment ne pas trop stresser, tout ça. Ok, d'accord. Tu sais quoi, moi, je vais te dire un secret que. Enfin, pour nous les hommes, hein. Une fille en vrai essaie de pas trop te dévoiler. Vraiment, elle garde un peu le truc mystère, tout ça. Parce que si t'es trop ouverte, le gars va dire c'est trop facile, laisse tomber, je passe à autre chose. Reste vraiment genre amuse-toi, rigole et tout. Mais voilà, reste un peu renfermé entre guillemets. Ok, Moi, le conseil que je pourrais te donner, c'est en fait, réfléchis pas trop. C'est-à-dire, si t'as envie de rigoler, rigole. Si t'as pas envie de rigoler, tu rigoles pas. Enfin, en fait, tu laisses vraiment ça. Non, mais moi, je pense qu'il faut vraiment laisser exprimer sa personnalité et vraiment ce qu'on ressent et pas jouer un rôle. Parce que si tu commences à jouer un rôle le premier rendez-vous, tu vas vouloir jouer le même rôle au deuxième et le même rôle au troisième et tu vas finir dans un jeu en fait où au final tu seras plus toi du tout, quoi. C'est vrai. Naturel. Et est-ce que pour toi, ce rendez-vous, tu veux que ça soit à la longue une relation sérieuse ou c'est vraiment juste pour tester comme ça, pour t'amuser, vu que c'est la première fois que tu es sur Tinder? Je sais pas du tout. Je me dis si ça passe bien, pourquoi pas partir sur une relation. En fait, j'y vais comme ça, quoi. On verra. Ok, mais et toi, enfin, je sais pas comment. Est-ce que t'as déjà parlé avec lui par message, là? Ouais, depuis 3 semaines, là. Ok, d'accord. Après aussi, ce qui est important, je pense, c'est que vous vouliez la même chose, tu vois. Toi, tu veux quelque chose de sérieux, pas que lui, ils veulent te voir pour quelque chose d'autre que sérieux, c'est-à-dire plutôt s'amuser et un peu capter plein de meufs à droite, à gauche. Toi, vraiment, si tu veux du sérieux, faut être sûr aussi que quand tu le vois, c'est vraiment pour du sérieux aussi, d'être sur la même longueur d'onde, c'est hyper important. Ouais. Parce que t'en as beaucoup sur Tinder qui cherchent plus un coup d'un soir que du sérieux. Exactement. Oui, bien sûr, ouais. Mais là, je crois que c'est pas trop le genre, donc. Bon, ça va, alors, tu verras pour toi. Quand même au rendez-vous. Comment ? Tu verras par toi-même, de toute façon, s'il y a un bon feeling, pourquoi pas, sinon tu next. Tu zappes, hein ? Ouais, voilà, c'est ça. Et ben voilà, j'espère qu'on t'aura aidé, Anaëlle. Et puis on espère que tu auras un très bon premier rendez-vous. Et viens nous dire comment ça s'est passé. Dis-nous, on te rappellera dans les jours à venir pour savoir comment ça s'est passé. Carrément, je vous tiens. Merci Anaëlle. Il est l'heure de jouer au booster sur Studio Web, le jeu où il faut trouver un mot en une minute chrono. Et Robin est avec nous. Salut Robin. Salut. Maison. Poisson. Hélicoptère. Ver de terre. Pain. Biscotte. Chelou un petit peu. C'est le booster. Sur Studek Web. Robin, tu as 24 ans et tu viens de Châlons en Champagne. C'est ça, vive le Champagne. Avec modération. Hein. Oui, avec modération quand même. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Plombier. Plombier. Ça veut dire on voit toujours ton sourire, c'est ça? Oh non, moi je suis un plombier de luxe. D'accord. Alors le jeu du booster, je te rappelle tout de suite la règle. Tu dois trouver un mot en rapport avec notre thème du jour, Harry Potter. Pour ce faire, tu auras une minute, pas une seconde de plus. Mais en cas d'erreur, on donnera un coup de boost au chronomètre et tu perdras 5 secondes à chaque erreur. Pour t'aider à trouver le mot, tu pourras nous poser autant de questions que tu veux auxquelles on pourra répondre que par oui ou par non. T'es prêt Robin? Ça marche, je suis prêt. Et c'est parti, t'as une minute pour trouver le mot du jour en rapport avec le thème Harry Potter. Compte à rebours, relance. Tu peux poser des questions? Est-ce que c'est à Poudlard? C'est à Poudlard. Est-ce que c'est un élève? Oui, non. Est-ce que c'est un hippogriffe? Non. Est-ce que c'est une des quatre maisons? Non. Est-ce que c'est une des salles communes? Non. Est-ce que c'est un des tableaux? Non. Est-ce que c'est un des profs? Oui. Dumbledore? Non. McGonagall? Non. Severus Rogue? Non. C'est un des profs? Le magicien dans la saison 2? Non. Allez, Robin! C'est un des... Je te donne un indice. Non, c'est pas un prof, si. Je te donne un indice. Il a une grosse barbe. C'est pas Hagrid? Eh ben si, c'est gagné. Bravo Robin. Ah, et à la base, c'est pas un professeur, hein. Il est devenu professeur à partir de la saison 3, professeur de défense contre les forces du mal ou un truc comme ça. Je sais plus, mais il a un gros dragon, et je sais qu'il a pas changé. Mais il m'a fait stresser, j'ai cru t'allais perdre. Ah, j'ai cru aussi, tu m'as fait très très peur, Robin. Il est prof un film. Oui, sur un film, mais il est quand même un prof. Donc... On n'avait pas tort. Bon, je te donne un indice quand même. Oui, t'as donné un indice. Bah, tu repars avec le pack Studek Web. Tu viendras nous rendre visite dans les studios. Et puis, tu repars aussi avec la petite carte dédicacée par toute l'équipe. Yes. T'es content ou pas? Ça va, j'ai gagné alors. Ça va. Bah, merci beaucoup, Robin. Merci, ciao. Et bon retour et à bientôt ici sur Studek Web. Salut. Salut. De 15h à 16h, vous retrouvez Antonin avec toute l'équipe de Studek Borderline. Salut Antonin. Salut tout le monde. Alors toi, t'es fan d'Harry Potter ou pas? Ah, carrément. Question. D'ailleurs, on va réagir tout de suite là, maintenant. Oui. Hagrid, il est prof un épisode. Sinon, il est gardien des clés à Poudlard. D'accord. Bravo, c'est vrai. Merci. Tu es très carré, très pointu en Harry Potter. Ah non, mais j'aime pas Harry Potter. La preuve, c'est que je vais me faire tatouer un truc Harry Potter. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que t'es carré et pointu dans tous les domaines? À 70%. Alors, est-ce que tu sais quel est le code postal que t'as sur ton t-shirt 90-290? Los Angeles. Bravo. Et maintenant, quel est le code postal en France? Parce que c'est aussi un code postal en France. Saint-Denis. Ah là, c'est Los Angeles. Bravo. Franchement, je pensais que j'allais t'avoir sur ça, mais même pas. Franchement, incollable. Ah merde, du coup j'avais pas vu, désolé. On parlait d'Harry Potter, les visites à Londres, tu l'as faite toi aussi? Est-ce que tu t'es déplacé bientôt? Tu vas bientôt la faire? Bientôt. Quelle est ta famille préférée dans Harry Potter? Serpentard, ça peut paraître bizarre, pas Gryffondor, je dirais Poudsouffle. Poudsouffle. La maison que personne ne connaît, enfin on n'entend pas trop parler. Qu'est-ce que tu kiffes dans cette famille? Ça correspond à l'assiduité.